sais pas. Non, je sais pas comment ils ont pas pu le voir. À croire que face aux ténèbres du soir, je dois peu briller comme une lune noire. Hey. Faut que je dise combien de fois pour que ça rentre. Vous écoutez pas, donc après le choc là, vous trouverez ça moins marrant. Donc j'attends mon heure. L'ascenseur social, on l'éclate, on lance roquette. J'avais pas un sou dans la pocket. La mise à ma droite, elle est coquette. On prendra tout ce qu'on veut sur la carte du Phuket. Pas la bonne carnation. Ils aimaient pas mes ancêtres et moi aussi. Dommage pour eux, en 2022, on est devenu moins dociles. Le système veut nous nuire. Si t'es pas en haut d'un tour, toi tu manges les célestes. Tu votes à gauche ou à droite, celui qui va dans l'écu, il est ambidex. Ma volonté est ardente. S'il fait chaud dans la salle, c'est que je suis comme l'été. Panais celui qui éteindra ma flamme. Je laisserai au hasard, choisis mon sort un peu comme l'été. Regarde dans mes yeux et dis-moi si tu connais quelqu'un qui a plus la dalle que moi. C'est pas un jeu, vous allez voir ce que je vous ai promis. C'était en tous ceux qui voulaient croire que j'étais maudit. Regarde dans mes yeux et dis-moi si tu connais quelqu'un qui a plus la dalle que moi. C'est pas un jeu, vous allez voir ce que je vous ai promis. C'était en tous ceux qui voulaient croire y'a que j'étais maudit. Double 6, on aura ça. Putain, j'ai même plus celle comme limite. Là, bientôt, je rentre à la NASA. En prenant le taureau par les cornes, et que cette puissance, j'ai arraché le machin. Pour réussir, faut un peu de chat. Sauf que j'ai pas de vache, j'ai un problème, j'ai des questions. Et quand je fais du tort, j'ai mes raisons. Nuage de seum a coupé le réseau. Zermi fait face à l'horizon. On n'est pas chanceux, on est déterbés comme des dents débrouillées des terres. Il est pas sincère, donc il se perd. S'invente tous des vies, donc espère. Y'a pas de victoire sans guerre, sans bataille, ça laisse des séquelles. Comme Kazuya, j'ai cicatrice, la vie c'est pas Tekken. Moi je suis plus fort que mes soucis. Pour ça que je suis devenu insensible. Je vois pas l'ennemi comme une menace. Je ne vois que l'assassin et sa cible. Instinct de chasseur, un chasseur sachant chasser. Axe à mer sous la chaussure. C'est pas de la chance, c'est les tapettes. Elles sont chiées dessus, j'en suis sûr. Pour me calmer, je prendrai volontiers du dé. Ambitieux comme Luffy, moi j'ai la volonté du dé. Regarde dans mes yeux et dis-moi si tu connais quelqu'un qui a plus la dalle que moi. C'est pas un jeu, vous allez voir ce que je vous ai promis. C'était en tous ceux qui voulaient croire que j'étais maudit. Regarde dans mes yeux et dis-moi si tu connais quelqu'un qui a plus la dalle que moi. C'est pas un jeu, vous allez voir ce que je vous ai promis. C'était en tous ceux qui voulaient croire que j'étais maudit.